Le temps. Poème de Bernard Lancourt, lu par Trouvert. Le temps passe irrémédiablement, le temps passe. Qu'au moyen de la foi la prière le chasse, sans perdre une seconde invisible il ressort. Que fait dans sa prison le condamné à mort? Si parfois cet espoir que nous offre la grâce le fait se replier, abandonnant la place, ce n'est que pour frapper à notre cœur plus fort. Que fait dans sa prison le condamné à mort? Le temps peut s'oublier en s'en donnant la peine, mais il revient toujours nous causer plus de peine. Que fait dans sa prison le condamné à mort? Aux étroits le pendu, le temps qui se balance, ne s'arrête jamais même pour l'innocence. Que fait dans sa prison le condamné à mort?